Boum, ta ta ta ta. En pétard, oulala, en pétard, ou. En pétard, oulala, en pétard, ou. À 100 000 bornes, la peine de la retraite. Ta ta. À 100 000 bornes, la peine de la retraite. Quand tout à coup, un ange venu des cieux. Quand tout à coup, un ange est amoureux. Se confronta à moi, je ne puis guère lui dire je t'aime. Dans ce lacarme pour les charrues. Dis donc, coin. Je prête point attention à mon pot chromé. Pas un cobra, ni même un RGD, mais simplement un pot de compète qui remontait sur la selle de derrière. En pétard, oulala, en pétard, ou. À 100 000 bornes, à peine de la retraite, t'attends. Quand tout à coup, un ange venu des cieux. Quand tout à coup, un ange d'un air amoureux. En pétard, oulala, en pétard, ou. En pétard, oulala, en pétard, ou. À 100 000 bornes, la peine de la retraite, tant. 100 000 bornes, la peine de la retraite. J'aurais été miné par un bon vœu. Un casque noir et un vieux jean troué. Une égérie du sud, quelqu'un de pas très frais. Faisant le macho, en fait, bien efféminé. Roulant à fond la caisse, voulant de l'amour. Un homme pourrait exister. J'aurais voulu lui dire posons les casques, posons l'amour. Avant qu'on se lasse. Mais rien de fait. Le vent dans les cheveux. Mais rien de fait. La bécane en feu.